Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la funeste aventure de l'Ordre du Temple solaire. Enfin, j'ai eu une impression terrible, c'est-à-dire que j'ai eu cette bouffée d'essence qui m'est arrivée dessus. Je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait bien se passer, je comprenais pas. Et c'est quand je me suis trouvé, mais à peine dans ma voiture, que l'ami de Dimambro m'a poursuivi pour essayer de me rattraper. Et je crois vraiment, très sincèrement, que Dimambro avait dû sentir que je pouvais peut-être communiquer une information à la police en redescendant. Et il fallait pas que j'en réchappe. Thierry Huguenin, qu'on entend à la télé suisse en décembre 1994, a finalement réussi à en réchapper. Il est le seul survivant du massacre de l'Ordre du Temple solaire à Chéry, en Suisse, le 5 octobre 1994. Ce jour-là, 48 personnes sont retrouvées mortes à Chéry et à Salvan, en Suisse. La veille, deux corps sont retrouvés à la suite d'un incendie dans un chalet de Murray Heights au Québec. Quelques jours plus tard, trois autres corps seront retrouvés sous les décombres du même chalet. Ces deux affaires ont pour point commun l'OTS, l'Ordre du Temple solaire. Deux autres massacres liés à l'OTS auront lieu par la suite, l'un dans le Vercors en décembre 1995 et un dernier à Saint-Casimir au Québec en mars 1997. Au total, l'OTS aura fait 74 victimes entre octobre 1994 et mars 1997. Moronites, Québec, 4 octobre 1994. En arrivant sur les lieux aujourd'hui, les pompiers ont fait la découverte de deux corps calcinés. Trois autres corps seront découverts dans les décombres, trois jours plus tard, dont celui d'un bébé de 3 mois, transpercé de 12 coups de couteau. Le chalet appartient, entre autres, à Luc Jouret, conférencier vedette de l'Ordre du Temple solaire, une secte ésotérique fait parler d'elle depuis un moment. Et puis encore une fois, cette fameuse secte, l'Ordre du Temple solaire, qui se retrouve au centre d'une tragédie. Les 16 membres de l'OTS disparus depuis une semaine ont été retrouvés morts ce matin. 16 cadavres calcinés découverts à Saint-Pierre-de-Chérène, en France, tout près de la frontière suisse. Les 16 corps carbonisés, dont 3 enfants, ont été retrouvés dans un site difficile d'accès. 14 mois après les drames suisses et québécois, l'Ordre du Temple solaire qu'on pensait démantelé est à l'origine d'un nouveau carnage. Mais l'histoire se répète, comme à Chéry en Suisse en octobre 1994, les cadavres étaient disposés en étoile dans un cratère autour d'un feu de camp. Les pieds au centre, la tête à la périphérie. Extrait de l'émission « Tout le monde en parlait » diffusée le 2 juillet 2013 pour nous rappeler les grandes lignes de ce qu'a été cette funeste aventure de l'Ordre du Temple solaire. Je reçois mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. Cette aventure-là, je pense que beaucoup de nos auditeurs s'en souviennent très bien de cette horreur qui a été vécue dans ces années 90. Cette aventure-là, elle a profondément marqué nos consciences. Marc Laurendeau, pourquoi? Ben, c'est le caractère tragique. Et puis la dimension internationale à travers la francophonie, l'aspect mystérieux et surtout les ramifications dans la société. Voilà que les gens de cette secte, on découvre qu'ils étaient instruits, bien formés, a priori intelligents. Pourquoi diables ils s'étaient lancés dans une telle aventure? C'est des gens qui occupaient une haute position sociale en plus. Alors, pour les journalistes, c'est mieux qu'une bonne histoire. C'est un grand fait divers significatif. Oui. Parlons peut-être un peu, Marc Laurendeau, et on va en parler, ce qui contribue au mythe autour de l'affaire. On va en parler pendant des années de cette affaire-là. Il y aura des rebondissements pendant des années. Parlons de ceux qui sont à l'origine de l'Ordre du Temple solaire. Trois grandes figures, essentiellement. Oui, d'abord, Léonce Joseph Dimambro, né dans le Gard, au sud de la France, accent méridional. Il a 70 ans au moment où la secte se détruit. Il a été bijoutier ambulant, sorte de voyageur de commerce en joaillerie. Il a été condamné à 6 mois de prison pour escroquerie. Dans les années 50, il commence à faire tourner les tables, à faire du spiritisme. Il convainc ses voisines qu'il est capable de méditation supérieure, qu'il maîtrise l'ésotérisme. Il a un physique plutôt ingrat et porte perruque assez discernable. Il sera l'organisateur et le stratège financier de l'Ordre du Temple solaire. Le deuxième, c'est Michel Tabachnik. Alors, chef d'orchestre franco-suisse. Il s'intéresse à la spiritualité. Disciple de Boulez, il effectue souvent des tournées. Il y a 52 ans, au moment des tueries, c'est lui que Joe DiMambro recrutera le premier, au début des années 80, ouais, pour cofonder et co-diriger la Golden Way, sorte de secte nouvel âge ésotérique. Michel Tabachnik apportera l'ordre du Temple solaire, le prestige artistique. Bien plus que ça, c'est-à-dire qu'il va être l'idéologue de l'OTS qui va publier des textes lourds, obscurs, abscons, ouais, appelés les archers, EES si vous voulez. Il énonce ainsi les principes de l'OTS. Il sera très bien payé pour cela. Le troisième, Luc Jourin, 47 ans au moment des faits. Il est diplômé en médecine à l'Université libre de Bruxelles, se spécialise en homéopathie, qu'il va exercer pendant 15 ans. Il s'intéresse aux thérapies alternatives, macrobiotiques, et prend parti pour, vous vous souvenez peut-être, les guérisseurs à main nue philippins qu'il, ouais, a rencontrés à Manille à plusieurs reprises. C'était un charlatanisme, ça. Luc Jourin possède un physique d'acteur, de cinéma, une éloquence exceptionnelle. Il sera le recruteur de l'Ordre du Temple solaire. Tandis que, évidemment, c'est l'autre Tabachnik qui apporte le prestige, ouais, artistique. On, ouais, a, ouais, une combinaison de trois, là. Donc, trois figures centrales autour de l'OTS. De fait, l'Ordre du Temple solaire, il y a un flou, mais on peut dire que c'est créé autour de 84, au cours de 1980, au milieu des années 80, voilà, disons ça comme ça. Dans quel contexte on crée cet ordre-là? Il s'agit de fonder une organisation qui prétend être le prolongement très lointain de l'Ordre des Templiers, créé au 12e siècle. L'Ordre des Templiers devenait un État dans l'État à cette époque. Et Philippe le Bel, le roi, l'a éradiqué et envoyé ses membres au bûcher. La rencontre DiMambro-Tabachnik puis Jourin aligne parfaitement les planètes pour la création de l'Ordre du Temple solaire, dont la filiation avec les héroïques templiers du 12e siècle est vraiment bricolée. C'est vraiment, ouais, bricolée, puis mélangée, dis-je, à toutes sortes d'autres croyances. Alors, parlons-en de ces croyances. Déjà, il y a un volet, puis vous en avez fait état, là, d'ésotérisme là-dedans, mais on se raccroche à cet ordre des Templiers qui a existé au 12e siècle. À quoi croient les membres de l'OTS? Il n'y a pas juste l'ordre médiéval des chevaliers templiers, protecteurs de la foi. Il y a une sorte de revivalisme néo-templier moderne, si, ouais, vous voulez, qui inspire le mouvement. Il y a la tradition Rose-Croix, le mouvement Nouvel Âge aussi, et certaines idées apocalyptiques chrétiennes. Alors, la croyance. On pense qu'il existe des grands maîtres résidant dans la plus brillante étoile, Sirius, qui guident l'humanité vers l'éveil spirituel. Les grands maîtres communique avec DiMambro et lui indique quand arrive le moment, quoi faire, comment s'élever, mais aussi quand est le moment pour effectuer un aller simple pour Sirius. Les adeptes croient à la réincarnation et qu'en quittant leur corps, ils vont être réincarnés et devenir eux aussi des maîtres ascensionnés. Alors c'est ça la croyance. Et rien n'a été épargné aux disciples crédules. Par exemple, la naissance d'un enfant cosmique supposé avoir été conçu par théogamie, autrement dit, sans rapport sexuel. Cet enfant a été annoncé comme un nouveau messie. On a passé sur le ventre d'une femme une épée illuminée sur le ventre de la mère. En réalité, la mère, Dominique Bellaton, une jeune toxicomane, était déjà la maîtresse du gourou DiMambro, ouais, et enceinte de ses œuvres. Alors, c'est une fille qui va naître, aux surprises. Elle va être considérée comme une sorte de messie féminin et va être l'objet d'un culte. Et puis aussi, il y a des cérémonies où les adeptes, vêtus de capes, voient apparaître, de grandes capes, hein, voient apparaître les maîtres de l'au-delà, et ces cérémonies font l'objet de trucages, d'illusions, dont Jocelyne DiMambro, l'épouse du gourou, et son fils, Élie, se font les complices. Ouais. Donc, vraiment, on est dans des codes assez précis, assez définis, dans du théâtre, il y a toute une sorte de mise en scène. Puis, la croyance, au fond, ce qui est étonnant, on a un petit peu évoqué au début de l'émission, Marc, il y a des gens qui sont haut placés, des gens instruits, qui font partie de l'Ordre du Temple solaire, et qui pourtant embarquent dans tout ça. Et pas n'importe qui. Là. Ouais. Je parle de Jean-Pierre Vinet, cadre de la Société Hydro-Québec, haut placé. Là. Et d'ailleurs, 22 cadres, d'après les journaux, d'Hydro-Québec qui étaient dans la secte. Robert Ostigui, maire de Richelieu, copropriétaire d'une quincaillerie. Robert Falardeau, comptable au ministère des Finances du Québec. Grand maître, d'ailleurs, de la secte au Québec. Alors, plein comme ça. Et puis, la famille Juarnet, grand champion de ski. Son fils, sa femme, entrent dans la secte. C'était du monde très jet-set, ouais, qui avait des contacts partout, comment ces gens-là... Se laissent convaincre. Ah, c'est assez incroyable. Et on pourrait ajouter Guy Béranger, technicien en matière nucléaire en France, et puis à Genève. Ouais. C'est quand même pas des... C'est des gens de haut calibre. Alors voilà, il y avait en tout 600 adeptes, si on compte là, partout à travers la planète, bien instruits, bien influents, en quête d'équilibre, de spiritualité. Mmh. Ils ont été choisis, on leur dit ça, vous faites partie d'une élite, ça, voilà. C'est motivant. On comble leurs leurs besoins émotifs. Et puis, à cette époque aussi, quand on parle d'Hydro-Québec, je me souviens, pour avoir fréquenté des colloques, très souvent, il y avait des entreprises qui admettaient dans leur sein, des banques, Hydro-Québec aussi, des gens qui alliaient la gestion puis des théories bizarres. Ouais. Dans les années 90, au début, la gourounerie se portait bien. Ouais. Les guides, les fameux guides. Voilà. Il y a deux signes qui auraient dû alerter les membres de l'OTS. Leur vie frugale, ils étaient astreints à des travaux durs. Ils savaient à peine, coupés du monde, à peine que l'URSS était dissoute. Ils vivaient hors la vie, ces gens-là. L'exploitation sexuelle des femmes. Di Mambro s'occupe à défaire et à recomposer les couples. Et puis, il se récompense au passage à l'occasion. Luc Jouret multiplie les conquêtes d'une nuit. Il préside aux cérémonies de mariage comme maître de l'ordre, mais parfois, rapporte les auteurs et les journalistes, et il teste la qualité de la mariée avant. Ouais. Alors, tout ça aurait dû alerter vraiment les membres de la secte. Il reste qu'au début des années 90, il y a quand même des fissures qui commencent à apparaître. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le train de vie des leaders. Joe Di Mambro se déplace avec des voitures de luxe. Il achète impulsivement, sur simple coup de foudre, des propriétés qu'il revend tout aussi vite. Di Mambro affiche des attitudes autoritaires. Et là, les bailleurs de fonds veulent récupérer leurs billes. Des membres de la secte veulent prendre leur distance. Le fils Élie Di Mambro et quelques autres, complices des trucages et des mises en scène, commencent à parler. Oui. Alors, ça se gâte. Et autour de 1993, là, non seulement ça se gâte, mais ça va se fissurer, pour reprendre cette image très, très sérieusement. L'étau va vraiment se resserrer autour de l'OTS, objet d'une plus grande attention médiatique, enquête policière de la SQ, entre autres. On écoute un extrait du documentaire « L'ordre du Temple solaire », diffusé à Canal D en 2015. Vous allez entendre l'ex-analyste des renseignements français Arnaud Palisson, l'historien des religions Jean-François Maillé et le journaliste Arnaud Béda, qui décrivent justement ce moment charnière où tout bascule à l'OTS. L'affaire qui est à l'origine de tout un petit peu, qui est l'arrestation de Luc Jouret et deux autres adeptes au Québec. Une affaire de tentative d'obtention d'armes à feu par Luc Jouret. Ça a mis un coup d'arrêt à l'implantation de l'OTS, notamment à l'implantation de Luc Jouret au Québec. À partir de là, Jouret est reparti en Europe. Et Di Mambro voit dans cette affaire le commencement de ses ennuis. En Suisse, Joseph Di Mambro voit de plus en plus son autorité remise en question. Plus encore que la perte de vitesse, c'est les contestations internes dans le groupe. Des gens au sein du groupe qui dénoncent même Joe Di Mambro, qui mettent en cause l'authenticité de ses propos, de sa démarche, de sa personne même. Le gourou tombe progressivement dans la paranoïa. Il divague, évoque l'étoile de Sirius, les mondes invisibles et les énergies cosmiques. Alors Sirius, c'est une des autres vastes escroqueries de l'ordre du Temple solaire. Évidemment, pour convaincre des dizaines d'adeptes et de fidèles qu'il fallait transiter, donc il fallait quitter le monde des vivants pour un monde meilleur, beaucoup plus lointain, là-bas dans les étoiles, il a bien fallu inventer quelque chose. C'est-à-dire que là, on va s'envoler vers Sirius. Et pour s'envoler vers Sirius, il faut se débarrasser de son corps physique qui est trop lourd. Et donc, il faut se tuer au sens physique du terme, en espérant comme ça que son âme va s'élever, va voyager jusqu'à l'étoile Sirius. Alors, 93, Marc Lerandeau, on le voit bien, là, c'est un moment important, une charnière. Tout se met à ce moment-là à basculer à l'OTS. Ben d'abord, le fait que Luc Jouret, voulant se procurer un pistolet automatique muni d'un silencieux, voit ses conversations interceptées et la Sûreté du Québec arrête les trois complices, Herman Delorme, Jean-Pierre Vinet d'Hydro-Québec, tout comme Luc Jouret lui-même. Ils sont condamnés chacun à 1 000 $ d'amende. Et là, il y a une lutte de pouvoir qui s'amorce au sein de l'OTS. Le Québécois Robert Falardeau, ex-comptable au ministère des Finances, très respecté au sein de l'Ordre du Québec, devient grand maître de l'Ordre pour l'Europe et le Canada. Il évince ainsi Luc Jouret. Alors, le clan, dit Mambro Jouret, sent que le pouvoir lui échappe, ne l'accepte pas. Alors, il y a une réunion qui s'organise C'était à Avignon, avec la complicité du chef d'orchestre, Michel Tabachnik, vêtu d'une longue cape noire qui proclame la dissolution de l'OTS. La nouvelle organisation s'appelle Rose-Croix, et ce sera une manière de reprendre le contrôle. On dissout l'ancienne organisation, ouais. On en crée une nouvelle, on prend le contrôle. C'est un putsch, en fait, dont Michel Tabachnik est complice. Et là, ça amorce le transit, tel qu'il était magnifiquement décrit, là, c'est-à-dire qu'on convainc les membres qu'il faut faire un transit. Et que ça va évidemment mener à la série de massacres qui va suivre, parce que l'étau se resserre, il y a eu une enquête policière, il y a eu des condamnations, il faut se mettre dans l'état d'esprit de ces gens-là, des leaders de l'OTS, beaucoup d'attention médiatique et cette paranoïa. Tout le monde nous en veut, ce qui fait que ce passage vers l'au-delà devient très, très tangible et ça va donner ce qui suit. Minuit et quart, un habitant de Chéry remarque une lueur. La ferme de la Rochette, sur les hauts du village, est la proie des flammes. Les pompiers de Chéry sont alarmés. Rapidement, on découvre un premier cadavre, celui du propriétaire. Il est couché sur son lit, la tête recouverte d'un sac de plastique fermé par un élastique. Scotché sur la porte de la chambre, une cassette magnétique. Policiers et pompiers forcent alors la porte de ce qui semble être un garage. Première surprise, pas de véhicule, mais des toilettes. En enfilade, il y a une deuxième pièce, assez vaste, à l'intérieur 26 chaises et une table. Sur la table, une rose dans un vase. Il y a aussi de nombreux sacs à main, des serviettes et des papiers d'identité appartenant à des Suisses, des Canadiens et des Français. Dans un petit local annexe, rien, sauf sur le sol une grosse flaque de sang, des traînées de sang aussi. Pas d'ouverture apparente dans cette petite pièce. Elle est lambrissée. Le chef de la sûreté fribourgeoise, Pierre Nidecre, entreprend alors de tâter, de sonder les lames de bois. Soudain, comme dans un film noir, une paroisse dérobe. Derrière, l'horreur, 21 cadavres couchés. Certains ont la tête dans des sacs de plastique, d'autres présentent des impacts de balles dans le crâne. Parfois, les deux caractéristiques sont présentes. Certaines victimes portent des capes rouges, blanches ou noires, avec dans le dos des signes ésotériques. Suite du labyrinthe, on découvre ce qui ressemble à une chapelle, avec un autel, un calice, des miroirs et des symboles un peu partout. Il y a un 23e cadavre dans une dernière pièce. Hallucinant. Le journaliste Pascal Vénard de la Radio Suisse Romande au Radio-Journal du 5 octobre 1994. Ce jour-là, 48 personnes, donc, sont retrouvées mortes à Chéry et à Salvan, en Suisse. Au même moment, 5 personnes sont retrouvées mortes à Morin Heights, au Québec. Que se passe-t-il au Québec et en Suisse en octobre 1994, Marc Laurendeau? Le massacre de Morin Heights, c'était une exécution. Des adeptes qui avaient commencé à prendre leur distance avec la secte. Et surtout, on punissait le couple Antonio et Suzanne Dutoit pour avoir nommé leur fils Emmanuel, du même prénom que l'enfant cosmique de la secte. On a assassiné leur nourrisson, aussi poignardé au cœur avec un pieu, car Dimambro le désignait comme l'antéchrist. Donc, exécuteur, Joël Heger, commanditaire, Dimambro, Luc Jouret. Le deuxième massacre à Salvan, 25 victimes, suicides cette fois, surtout des leaders de la secte et leurs proches collaborateurs, Dimambro, Luc Jouret eux-mêmes, par empoisonnement et asphyxie. Ouais. Chéry, maintenant, canton de Fribourg, 23 victimes. Exécution des traîtres, là, c'est différent. Et de ceux qui menaçaient le pouvoir des gourous, dont le Québécois Robert Falardeau. Traces de violence et de résistance et de coups. Hein, des gens avec la mâchoire fracturée, eux consentaient pas. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé en octobre 1994. Il y a une suite dans le Vercors en France en 95, en décembre 1995. 16 morts. Des suicides, mais là, des suicides assistés, si j'ose dire. Il y a deux exécuteurs. Le policier Jean-Pierre Lardanchet et l'architecte André Fridley, qui se sont donné la mort par la suite, ont d'abord exécuté les victimes dans le Vercors. Saint-Casimir, maintenant. Saint-Casimir, au Québec. Là, c'est les adeptes qui étaient malheureux d'avoir raté le transit. Les policiers de la Sûreté du Québec ont supplié les personnes de ne pas emmener avec eux leurs enfants. Ça a duré des semaines, là. Ils les suppliaient. Les enfants aussi ont supplié leurs parents de ne pas partir. Puis, en tout dernier recours, ils ont négocié pour sauver leur propre vie. Ouais. Ce qui fait qu'on a trouvé les parents, mais pas les enfants. Mais imaginez comment âpre, douloureuses ont pu être ces discussions. En vous écoutant, Marc Laurendeau, tout semble assez clair, la responsabilité de chacun, comment se sont passés les différents massacres. On a une très bonne idée de la mécanique. Pourtant, à la suite des enquêtes policières, un peu partout en France, en Suisse, au Québec, aucun coupable, aucun responsable officiellement de ces différents massacres, ce qui a provoqué la colère de certains proches, entre autres de certaines victimes. Je vous propose d'écouter un extrait de reportage de Frédéric Cotta, diffusé au journal de 20 heures de France 2 en septembre 2003. Vous allez y entendre, entre autres, Alain Vuarnet, qui a perdu sa mère et son frère dans un des massacres de l'OTS, et le co-auteur du livre « L'OTS, les secrets d'une manipulation », Bernard Nicolas. C'est le combat d'un homme au nom d'une famille. Alain Vuarnet, qui a perdu sa mère et son petit frère dans le drame du Vercors, est un des seuls à se battre aujourd'hui encore pour connaître la vérité. En juillet dernier, il va même jusqu'à exhumer le corps de sa mère et de son frère pour effectuer des prélèvements. Le résultat, un taux de phosphore anormalement élevé qui le conforte dans sa conviction. Ce phosphore ne peut être manié qu'utilisé qu'à travers un lance-flamme, un jet directionnel si vous voulez. Et ça explique bien des choses, car finalement, depuis très longtemps, nous contestons les circonstances de la mort des nôtres et de ces 16 victimes. À l'appui de cette expertise privée mais sans valeur juridique, Alain Vuarnet espère faire rouvrir l'enquête. Une enquête menée à l'époque par le juge Fontaine, qui n'a pas eu beaucoup de moyens pour mener son instruction. Quand le juge Fontaine demandait des moyens supplémentaires, on les lui promettait. Il les attend encore. Si j'ose dire, si son instruction continuait, il ne les aurait toujours pas. Et il a travaillé avec un seul policier, vous imaginez, pour une affaire aussi gigantesque, avec des ramifications internationales. Ça peut être étonnant, en fait, Marc Laurendeau, cette espèce de vide après coup. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qu'on peut dire du travail qu'a fait ou n'a pas fait la justice dans cette affaire? La justice judiciaire, les tribunaux, ouais. Là, ils ont vraiment laissé passer des coupables dans les mailles du filet. D'abord, première des choses, les policiers au Québec ont retardé d'un an par leur filature, par leur écoute électronique, ils ont retardé d'un an l'explosion de la crise. Il y a au moins ce mérite-là. Ouais. Dans le cas de ce qui s'est passé en Europe, il y a Michel Tabachnik qu'on oublie, qui est le seul qui a subi un procès. Chef d'orchestre, il était au début, rappelez-vous, un des fondateurs de la secte. Ouais. Idéologue, il rédigeait les archers. Donc, il savait ce qui se passait. Il était un participant, d'ailleurs, au putsch qui est rapporté au moment où on a renversé ceux qui s'apprêtaient à prendre le contrôle de la secte, notamment Robert Falardeau. Il était là avec sa cape noire. Il a suivi tout ça. C'est invraisemblable qu'il puisse être uniquement un théoricien et qu'il ait ignoré toutes les manipulations. Pourtant, en première instance et en appel, il a été acquitté. Et il y a des avocats qui ont mal fait leur travail, là. Ou alors une justice qui n'a pas pris au sérieux ce qui, de prime abord, prima facie, apparaît comme une preuve solide, une preuve solide de circonstances. Et je comprends que les familles soient indignées, notamment de ça, mais aussi d'autres choses, parce que quand même, on aurait pu prévenir aussi, là, si on avait, dans le cas des premiers massacres... effectivement, faire des perquisitions, juger, infiltrer la secte, travailler davantage aussi. Marc Laurendeau, c'était un plaisir, comme toujours. Merci beaucoup, Marc. Au plaisir. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.